je suis là pour apprendre avec joie tout savoir que je côtoie. Toutes les forces invisibles sont une cible du savant. Comme l'onde sonore, mécanique sous tout rapport. Quant aux suites géométriques, c'est épique. Comment faire pour se passer de l'art? C'est dire non à tout un bon nectar. Comment savoir de nos désarts? Ce serait abroger les sommets de la terre et tous ces jolis mets, un crime pour tous les gourmets. Au contraire, tout l'esprit et la voix de cour bien appris. Autrement, nous serions très bêtes, nous n'aurions plus de l'être. Perdrions nos esthètes et même le son de la trompette. Ce serait très navrant, si bête, de quoi perdre